22-21, observation. Conjugaison d'un verbe réfléchi au passé composé. Avec l'auxiliaire être et le participe passé. Je me suis arrêté. Tu t'es arrêté? Elle s'est arrêtée. Nous nous sommes arrêtés. Vous vous êtes arrêté? Elles se sont arrêtées.